chapitre 14, banni. Mary Marchmont et Edward Arundel étaient heureux. Ils étaient heureux, et comment pouvaient-ils deviner les tortures de cette femme désespérée, dont l'âme ténébreuse était plongée dans un gouffre d'horreur par leur innocent amour? Comment pouvaient-ils, ces deux êtres, frais enfants qui ignoraient la passion violente et les émotions cruelles, savoir que dans la chambre obscure où gisait Olivia Marchmont, en proie à une maladie vague, que le docteur de Swampington traitait par le quinine, sans pouvoir bien se rendre compte de la nature du mal qu'il était appelé à guérir, comment pouvait-il savoir que dans cette triste chambre, un méchant cœur s'abandonnait à tous les mauvais esprits qui avaient si longtemps attendu l'arrivée de ce moment? Oui, la lutte était finie. Olivia Marchmont jeta la croix qu'elle avait portée, plutôt par obéissance machinale que par amour et parfois de chrétienne. Il aurait mieux valu pour elle avoir été la Madeleine repentante que d'être restée froide, hautaine, sans tache, et n'avoir jamais pu apprendre les sublimes leçons que tant d'humbles pécheresses ont prises à cœur avec soumission. Sa religion à laquelle manquait le principe vital du christianisme, sa foi, qui ne se traduisait que par une obéissance passive, lui fit défaut à cette heure d'angoisse. Son orgueil releva la tête. L'esprit de révolte de l'ange déchu se réveilla dans toute sa sombre énergie. « Qu'avais-je donc fait pour souffrir ainsi ?» se dit-elle. « Que suis-je pour que ce soldat tête creuse me méprise et que son indifférence me rende folle? Est-ce là la récompense de mes longues années d'obéissance? Est-ce là la compensation que le ciel m'accorde pour avoir rempli mes devoirs ?» Elle se rappelait des histoires d'autres femmes qui avaient écouté leurs inspirations et avaient été heureuses, et une question plus terrible lui venait à l'idée, à peu près la question que faisait Job dans sa misère. « N'y a-t-il donc ni foi ni justice dans les actes de Dieu ? » songeait-elle. « Est-il inutile d'être obéissante, soumise, patiente, infatigable ? Ma vie n'a-t-elle été qu'une longue erreur, qui doit se terminer par la confusion et le désespoir ?» Et elle se représentait le genre de vie qui eût été le sien, si Edward Arundel l'eût aimée, comme elle serait devenue bonne. Sa nature de fer se serait amollie au rayon brûlant de son amour et de sa tendresse pour lui. Elle aurait appris à devenir aimante et tendre pour autrui. Son affection pour lui se serait manifestée par la douceur et les égards envers tout le monde. L'amertume qu'elle nourrissait au fond de son cœur depuis le jour où elle s'était aperçue qu'elle aimait Edward Arundel et qu'il était indifférent pour elle. Son envie des autres femmes plus heureuses qui aimaient et étaient aimées, tout eût disparu. Sa nature entière aurait subi une transformation miraculeuse et la force de son affection l'eût exaltée et purifiée. Tout cela aurait pu arriver s'il l'eût aimé. Mais une pâle jeune fille était venue se placer entre elle et sa rédemption, et il ne lui restait plus que le désespoir. Rien que le désespoir, et autre chose encore peut-être, la vengeance. Mais cette dernière idée ne revêtit pas une forme palpable. Elle sut seulement que dans le gouffre noir où son âme était descendue, brillait au loin un rayon de lumière livide. Pour le moment, elle ne sut que cela, et la haine folle, indicible, qu'elle ressentait contre Mary Marchmont. Si elle avait pu se former une triste opinion d'Edward Arundel, si elle avait pu croire que des motifs intéressés le poussaient à choisir l'orpheline, elle eût été soulagée par l'idée de sa bassesse et l'espoir que Mary serait probablement malheureuse dans l'avenir. Mais elle ne pouvait se bercer de cette illusion. Quoique le jeune soldat n'eût pas dit grand-chose dans l'entrevue sur le bord de la rivière, le son de sa voix et ses regards avaient donné à la malheureuse Olivia la certitude de sa franchise. Mary aurait pu être trompée par le plus faux des prétendants, mais les yeux d'Olivia n'avaient pas perdu un coup d'œil. Ses oreilles avaient entendu chaque mot, et elle avait la conviction qu'Edward Arundel aimait sa belle-fille. Elle avait cette conviction, et elle détestait Mary Marchmont. Qu'avait-elle fait, cette jeune fille, qui ne savait ce que c'était que de lutter contre un cœur rebelle? Qu'avait-elle fait pour que ce trésor d'amour et de bonheur lui échût en partage sans qu'elle l'eût demandé, sans qu'elle en appréciât la valeur peut-être? La veuve de John Marchmont agissait dans sa chambre obscure et songeait à tout cela. Elle n'était plus en guerre avec son cœur, elle s'abandonnait complètement à son désespoir, elle s'endurcissait dans l'impénitence. Edward Arundel ne pouvait guère rester aux Towers pendant qu'une maladie supposée faisait garder la chambre à son hôtesse. Il se rendit donc à Swampington et s'installa en visiteur chez son oncle. Mais chaque jour il montait à cheval, et venait aux Towers s'informer de la santé de sa cousine et flâner au soleil sur la terrasse avec Mary Marchmont. Leur bonheur innocent n'a pas besoin d'être décrit longuement. Edward Arundel avait conservé une bonne partie de cet enthousiasme chevaleresque qu'il avait rendu jadis si empressé à devenir le champion de la petite fille. Le contact du monde n'avait pas beaucoup terni la fraîcheur d'esprit du jeune homme. Il aimait son enfantine et innocente campagne de l'affection la plus pure et la plus sincère. Il était sûr de se souvenir qu'à l'époque de sa misère, John Marchmont l'avait choisi pour le protecteur de sa faible enfant. « Il ne vous faut pas devenir plus âgé ou plus raisonnable, Polly, » disait-il parfois à la jeune maîtresse de Marchmont Towers. « Souvenez-vous que je vous aime bien mieux quand je vous vois en la petite fille en tablier râpé qui me versa du thé par une froide matinée de décembre dans Oakley Street. » Il parlait beaucoup de John Marchmont. C'était un si grand bonheur pour Mary de parler sans contrainte de son père à quelqu'un qu'il avait aimé et compris. « Ma belle-mère a été très bonne pour papa Edward, » disait-elle, « et il lui était certainement très reconnaissant de sa bonté. Mais je ne crois pas qu'il l'ait jamais aimé autant qu'il vous aimait, vous. Vous avez été l'ami de sa pauvreté, Edward, et il ne l'oublia jamais. » Une fois, en marchant l'une à côté de l'autre sur la terrasse échauffée par les rayons du soleil, Mary glissa son bras sous celui de son amant et leva timidement les yeux sur lui. « Papa a-t-il dit cela, Edward ? » murmura-t-elle. « A-t-il réellement dit cela ? » ?»« Dis réellement quoi, cher enfant ? Qu'il me léguait à vous ? » ?»« Oui, Polly, » répondit le jeune homme. « Je vous apporterai sa lettre demain. » Et le lendemain, il montra à Mary Marchmont la feuille de papier à lettres jaunies et l'écriture blanchie qui avait jadis été noire et humide sous la main de son père. Mary regarda à travers ses larmes la vieille adresse familière de Oakley Street et la date du jour même où Edward Arundel avait déjeuné dans le pauvre logement. Oui, ces mots y étaient bien. Le legs d'une enfant sans appui est tout ce que je puis laisser au seul ami que j'ai. Et vous ne saurez jamais ce que c'est que d'être sans appui tant que je serai près de vous, cher Polly, dit le soldat en repliant la lettre de son cher ami. Vous pouvez dorénavant défier tous vos ennemis si vous en avez, Mary. Oh, à propos, vous n'avez jamais, je suppose, entendu parler de Paul Marchmont ? Le cousin de papa, M. Marchmont, l'artiste ? Oui. Il est venu assister à la lecture du testament de papa. Ah ? L'avez-vous vu souvent ? Oh non, très peu. J'étais malade, vous savez, ajouta la jeune fille, les larmes aux yeux au souvenir de cette époque douloureuse. J'étais malade et je ne fis attention à rien. Je sais que M. Marchmont m'adressa la parole, mais je ne me souviens pas de ce qu'il me dit. Et il n'est plus jamais revenu, jamais. Edward Arundel haussa les épaules. Ce Paul Marchmont ne devait pas être en somme un misérable bien entreprenant, car sans cela, il aurait essayé de lier connaissance avec sa riche cousine. Je me figure que les soupçons que John entretenait sur cet homme prenaient naissance dans son imagination maladive, se dit-il. Il avait toujours quelques chimères en tête, ce pauvre John. Les appartements de Mrs. Marchmont étaient situés sur la façade occidentale de la maison, et par ses fenêtres ouvertes, elle entendait les voix fraîches et jeunes des amants pendant qu'ils se promenaient sur la terrasse. L'officier de cavalerie trouvait charmant de porter un arrosoir plein d'eau pour rafraîchir les géraniums que Mary cultivait dans de grands vases en pierre sur la balustrade et de faire le jardinier pour lui être agréable. Il lui parlait de sa campagne dans l'Inde et elle lui adressait des questions à n'en plus finir sur les marches de nuit, les bivouacs, les chameaux expirants, les tigres aux aguets dans les jungles, les convois interceptés, les razzias et autres détails de la guerre. Olivia sortit enfin de chez elle avant que les sels et le quinine du médecin de Swampington eussent adouci l'éclat de ses yeux et calmé la fièvre qui la dévorait. Elle sortit parce qu'elle ne pouvait plus se résoudre à l'immobilité, en sachant que pendant 2 heures chaque jour, Edward Arundel et Mary Marchmont étaient heureux en dépit d'elle. Elle descendit donc le grand escalier et recommença sa surveillance, en enchaînant sa belle-fille à ses côtés et en s'interposant entre elle et son amant. La veuve ne fut plus la même femme après sa maladie pour tous ceux qui la connaissaient. Une folle animation sembla s'être soudainement emparée d'elle. Elle mit de côté ses vêtements de deuil et commanda à une modiste de Londres des soies, des dentelles, du velours et du satin. Elle se plaignit de l'absence de société, de la monotonie de l'existence dans le Lincolnshire et à la surprise générale, elle envoya des cartes d'invitation pour un bal qu'elle donnait aux Towers en l'honneur du retour en Angleterre d'Edward Arundel. Elle paraissait possédée du désir de faire quelque chose, quoique ce fût pour rompre l'uniformité de sa vie. Pendant les quelques jours qui s'écoulèrent entre la réapparition de Mrs. Marchmont et la soirée du bal, Edward Arundel ne trouva pas de moment favorable pour annoncer à sa cousine l'engagement contracté entre lui et Mary. Il ne voulait pas précipiter cet aveu, car il y avait dans l'innocence enfantine de l'orpheline quelque chose qui l'empêchait de songer à se marier avec elle sans retard. Il voulait retourner dans l'Inde et y conquérir de nouveaux lauriers pour venir les déposer aux pieds de la maîtresse de Marchmont Towers. Il voulait se faire une réputation qui forcera le monde à oublier qu'il était un cadet de famille, une réputation que la calomnie n'oserait pas salir en lui jetant à la face l'épithète de chercheur de fortune. Le jeune homme garda donc le silence, attendant une occasion propice pour parler à la belle-mère de Mary. Peut-être craignit-il d'être forcé de discuter son amour avec Olivia, car elle l'avait regardé avec des yeux froids et colère, et en fronçant les sourcils, chaque fois qu'elle l'avait sondé sur ses sentiments pour Mary. Elle veut sans doute marier Polly avec quelque grand seigneur, se disait-il, et il fera son possible pour contrecarrer mes prétentions. Mais sa tutelle cessera la majorité de Mary, et je ne tiens pas à ce que ma chère et confiante petite bien-aimée se marie avec moi avant qu'elle soit assez âgée pour choisir par elle-même, et bien choisir. Elle sera majeure dans 3 ans. Qu'est-ce que 3 ans? Je l'attendrai aussi longtemps que Jacob attendit sa femme, et je ferai mes 14 années d'apprentissage sous Sir Charles Napier sans songer à lui être infidèle. Olivia Marchmont haïssait sa belle-fille. Mary ne tarda pas à s'apercevoir du changement survenu dans les manières de la veuve envers elle. Elle avait toujours été froide et quelquefois sévère, mais maintenant elle s'éloignait d'elle presque avec horreur. La jeune fille avait peur de l'éclat sinistre des yeux gris de sa belle-mère, qui se fixait constamment sur elle et épiait ses moindres mouvements. Elle se demandait ce qu'elle pouvait avoir fait pour offenser sa tutrice, et ne trouvant rien qui pût justifier le mécontentement de Mrs. Marchmont, elle se voyait réduite à attribuer le changement survenu dans les manières d'Olivia à l'irritation causée par la maladie. Elle devenait alors plus douce et plus soumise encore. Elle supportait ses regards cruels, elle ne répondait pas à ses dures paroles, et elle essayait de se concilier la malade par sa douceur et son obéissance. Mais l'amabilité de la jeune fille ne faisait qu'irriter davantage la femme au désespoir. Sa jalousie était aiguillonnée par chaque charme de la rivale qui l'avait supplantée. Cette passion fatale était alimentée par tous les regards et toutes les paroles d'Edward Arundel, et par le calme sourire qui se jouait sur la physionomie de Mary, pendant qu'assise en silence à sa broderie, elle songeait à son amant. Les tortures qu'Olivia Marchmont s'infligeait à elle-même étaient si horribles qu'elle avait besoin pour se soulager de tourmenter ceux qui étaient sous sa domination. Jour par jour, heure par heure, elle essayait de chagriner la douce enfant qui lui avait obéi si longtemps, tantôt par un mot, tantôt par un regard, mais toujours avec cette méchanceté que les femmes possèdent à un degré si éminent. Elle s'en acquittait si bien que la vie serait devenue un fardeau pour Mary Marchmont sans ce bonheur inexprimable dont celle qui la tourmentait ne pouvait la priver, la joie de se sentir aimée par Edward Arundel. Elle se gardait bien d'avouer au jeune soldat le changement des manières d'Olivia envers elle. Olivia était sa cousine, et elle avait dit, il y avait longtemps, qu'elle voulait aimer sa belle-mère. Dieu sait qu'elle avait fait son possible pour cela sans pouvoir réussir. Mais sa confiance en la bonté d'Olivia n'était pas ébranlée. Si Mrs. Marchmont était maintenant irritable, capricieuse et même cruelle, il y avait sans doute quelque bonne raison pour ce changement dans sa conduite, et il était du devoir de Mary d'être patiente. L'orpheline avait appris à souffrir sans se plaindre lors de la grande affliction causée par la mort de son père, et elle supportait maintenant les contrariétés avec tant de calme que son amant ne s'aperçut de rien. À quoi bon le chagriner en lui racontant ses misères, puisque sa présence était pour elle une joie indicible? Dans la matinée du jour où devait avoir lieu le bal à Marchmont Towers, premier amusement de ce genre qui eût été donné dans la triste maison de Lincolnshire depuis la mort prématurée du jeune Arthur Marchmont, Mary était assise dans sa chambre avec son amie d'autrefois, la fille du fermier Pollard, qui était devenue Mrs. Jobson et femme d'un des meilleurs charpentiers de Camberling. Esther était venue au Towers faire une visite de convenance à sa jeune maîtresse, et en cette circonstance particulière, Olivia n'avait pas jugé à propos d'empêcher Mary et son humble compagne de passer 1 heure ensemble. Mrs. Marchmont rôda ce jour-là de chambre en chambre dans un état d'agitation perpétuelle. Edward Arundel devait dîner aux Towers et y coucher après le bal. Il viendrait de Swampington avec son oncle, car le recteur avait promis de paraître une heure ou deux à la fête donnée par sa fille. Mary avait rencontré plusieurs fois sa belle-mère dans les corridors et l'escalier, mais la veuve avait passé à côté d'elle en silence, la figure assombrie, elle avait presque fait un geste de dégoût. La brillante journée de juillet arriva enfin à son déclin, avec une lenteur désespérante pour la malheureuse femme, qui ne pouvait trouver la paix et le repos dans aucune de ces salles splendides, ni dans les prairies que brûlait le soleil ardent. Elle avait arpenté les vastes pelouses sans arbres, n'ayant rien pour protéger sa tête contre les feux du jour, elle avait erré au bord des mares dormantes et contemplé l'eau immobile en se demandant quelle était la souffrance qu'éprouvait un noyé. Non qu'elle eût l'idée de se suicider. La pensée de la mort était horrible pour elle, car dès qu'elle ne serait plus de ce monde, Edward et Marie seraient heureux. Pourrait-elle reposer en paix dans la tombe en sachant cela? La mort éteindrait-elle en elle sa fureur jalouse? À coup sûr, sa haine ardente, ce n'était plus l'amour mais la haine qui rongeait son cœur, défierait le néant et serait éternelle tant elle était intense. Quand l'heure du dîner sonna et qu'Edward et son oncle arrivèrent aux Towers, la pâle figure d'Olivia Marchmont fut animée par la flamme qui s'échappait de ses yeux, mais elle prit sa place habituelle avec calme et fit asseoir son père en face d'elle. Edward et Mary étaient à sa droite et à sa gauche. « Je suis sûr que vous êtes malade, Livy, » dit le jeune homme. « Vous êtes pâle comme une morte, et votre main est sèche et brûlante. Je crains bien que vous ne vous soyez pas conformé aux ordonnances du médecin de Swampington. » Mrs. Marchmont haussa les épaules avec un sourire méprisant. « Je me porte bien, » dit-elle. « Qu'est-ce qui se soucie si je suis malade ou bien portante ?» Son père la regarda avec une surprise muette. L'amertume de son ton le fit tressaillir et l'alarma. Mais Mary ne leva pas les yeux. C'était ainsi que sa belle-mère lui avait constamment parlé depuis quelque temps. Mais deux ou trois heures après, quand le gazon devant la maison fut argenté par les rayons de la lune et que les longues rangées de fenêtres étincelèrent de lumière, Mrs. Marchmont ne sembla plus la même femme en sortant de chez elle. Edward et son oncle se promenaient de long en large dans la grande salle à manger parquetée en chêne qu'on avait décorée et transformée en salle de bal pour cette circonstance, lorsqu'Olivia franchit le seuil de la porte et vint à eux. Le jeune officier la regarda avec une involontaire expression d'étonnement. Depuis qu'il connaissait sa cousine, il ne l'avait jamais vue ainsi. La femme à la sombre robe noire s'était métamorphosée en une Sémiramis. Elle avait une toilette de bal en velours rouge foncé, qui prenait à la lumière la teinte brillante des grappes dorées. Son abondante chevelure était ramenée et roulée derrière la tête, et des diamants étincelaient parmi les épais bandeaux qui encadraient son front blanc. Sa beauté classique et sévère était merveilleusement mise en relief par la splendeur inaccoutumée de son costume, et s'imposait aussi clairement que si elle eût dit « Suis-je donc une femme à dédaigner pour l'amour d'une enfant à figure pâle ?» Mary Marchmont parut dans la salle de bal quelques minutes après sa belle-mère. Son amant à la haute vendelle, et fut ravie de sa simple toilette en mousseline blanche et de la couronne de perles qui entourait ses cheveux bruns et fins. Les perles qu'elle portait ce soir-là lui avaient été données par son père le jour de son 14e anniversaire de naissance. Olivia regarda le jeune homme pendant qu'il se penchait vers Mary Marchmont. Il portait ce soir-là son uniforme, qu'il avait mis pour la satisfaction particulière de sa jeune amie. Il souriait avec tendresse de son admiration enfantine pour les broderies de son habit et la décoration qu'il avait gagnée dans l'Inde. La veuve détourna ses regards des deux amants pour se mirer dans une glace antique posée au-dessus d'un bureau en ébène situé dans un coin à côté d'elle. Il s'y vit plus belle qu'elle n'avait jamais été. Ses joues creuses étaient animées d'une vive rougeur causée par la fièvre. « J'aurais pu être belle s'il m'avait aimée, » se dit-elle. Puis, se tournant vers son père, elle causa avec lui de ses paroissiens, ces vieux pensionnaires qu'elle avait nourris et dont les petites histoires lui étaient horriblement familières. Une fois encore, elle s'efforça faiblement de suivre de nouveau le vieux sentier battu qui avait meurtri ses pieds, mais elle ne put y parvenir, elle ne le put. Au bout de quelques minutes, elle quitta brusquement son père et s'assit dans l'encoignure d'une fenêtre d'où elle pouvait voir Mary et Edward. Mais les devoirs de Mrs. Marchmont en sa qualité de maîtresse de maison ne tardèrent pas à réclamer son attention. Les familles du comté commencèrent à arriver. Le bruit des roues des voitures résonna sans discontinuer sur l'allée carrossière en face de l'entrée principale, et les noms de la moitié des grandes familles du comté furent proclamés à haute voix dans le vestibule par les vieux domestiques. L'orchestre donna le signe d'un quadrille, et Edward Arundel vint offrir sa main à la jeune maîtresse de la maison pour la conduire à la contredanse. Pour Olivia, cette longue soirée fut toute lumière, bruit et confusion. Elle fit les honneurs du bal, reçut les invités et accorda à chacun la part d'attention qui lui était due, car dès son enfance, elle avait été habituée à des visites régulières parmi la société campagnarde. Elle ne négligea aucun devoir, mais elle s'en acquitta machinalement, sachant à peine ce qu'elle disait ou faisait dans l'agitation fiévreuse de son âme. Pourtant, au milieu de l'égarement de ses sens et de la confusion de ses pensées, elle avait toujours deux personnes devant les yeux. Partout où allaient Edward Arundel et Mary Marchmont, elle les suivait du regard et les poursuivait de son imagination enfiévrée. Une seule fois, dans toute cette longue soirée, elle adressa la parole à sa belle-fille. « Combien de fois comptez-vous danser avec le capitaine Arundel, Miss Marchmont ?» lui dit-elle. Mais avant que Mary eût répondu, sa belle-mère s'éloigna au bras d'un squire majestueux, et la jeune fille se demanda tout étonnée pour quel motif Mrs. Marchmont lui avait parlé de ce ton colère. Edward et Mary étaient debout dans l'encoignure d'une des fenêtres de la salle de bal, quand les invités commencèrent à se disperser, longtemps après le souper. La jeune fille avait été très heureuse dans cette soirée, malgré les paroles amères et les regards dédaigneux de sa belle-mère. C'était presque la première fois de sa vie que la jeune maîtresse de Marchmont Towers avait subi l'influence contagieuse de la gaieté des autres. La salle de bal, brillamment éclairée, la toilette splendide des danseuses, la musique joyeuse, le bruit des éclats de rire étouffés, les figures radieuses qui se souriaient de chaque côté, étaient choses aussi nouvelles que n'importe quelle merveille du pays des fées pour cette jeune fille dont l'existence étroite avait été assombrie par la triste figure de sa belle-mère qui s'était interposée constamment entre elle et le monde. La folle humeur de la jeunesse s'éveilla en elle et secoua ses fers pour s'échapper fraîche et radieuse comme le papillon qui cesse d'être chrysalide. L'auréole du bonheur illumina si bien la figure délicate de l'orpheline qu'Edward Arundel s'étonna de sa beauté comme il s'était étonné au commencement de la soirée de la superbe splendeur de sa cousine Olivia. « Je n'avais pas l'idée qu'Olivia fût si belle, et vous aussi jolie, ma chère Polly, » dit-il à Mary, dans l'embrasure de la fenêtre. « Vous ressemblez à Titania, la reine des fées, avec votre robe en gaze vaporeuse et votre couronne de perles. » La fenêtre était ouverte, et le capitaine Arundel regarda le vaste quadrangle qu'embellissait la clarté de la lune en son plein. Quand il ramena son regard dans la salle, elle était presque vide, et Mrs. Marchmont était à l'entrée principale, où elle faisait ses adieux à ses derniers invités. « Venez dans le quadrangle, Polly, » dit-il, « et faites un tour avec moi sous la colonnade. » Je suppose qu'elle faisait jadis partie d'un cloître, cette colonnade, dans le bon vieux temps qui précéda l'avènement d'Henri VIII, et les moines en capuchon venaient y prendre le frais, en murmurant machinalement des prières pendant que leurs doigts ridés égrenaient leur rosaire. « Allons dans le quadrangle, Polly. Toutes les personnes de notre connaissance sont parties. » Et nous nous promènerons au clair de la lune comme doivent le faire de vrais amoureux. » Le soldat fit franchir le seuil de la porte-fenêtre à sa jeune compagne et entra avec elle sous une colonnade dans le genre de celle d'un cloître qui occupait tout un côté de la maison. Les piliers gothiques projetaient leurs ombres noires sur le quadrangle que la lune éclairait comme en plein jour, mais une obscurité délicieuse régnait sous la colonnade. Je crois que cet échantillon d'architecture préluthérienne est ce que vous possédez de mieux, Polly, dit le jeune homme en riant. Plus tard, quand je reviendrai de l'Inde avec le grade de général, comme j'en ai l'intention, Miss Marchmont, avant de vous demander de devenir Mrs. Arundel, je me promènerai ici dans les soirées d'été en fumant mon cigare. Vous me permettrez de fumer dehors, n'est-ce pas, Polly? Mais si j'allais laisser quelqu'un de mes membres sur les bords du Sutley, et que je revinsse avec une jambe de bois, voudriez-vous de moi alors, Polly, ou bien me chasseriez-vous ignominieusement de votre douce compagnie, et fermeriez-vous les portes de votre manoir sur votre serviteur et ses infirmités? Je crains, d'après vos admirations pour mes épaulettes d'or et mon écharpe de soie, que la gloire en elle-même n'est pas grande attraction pour vous. » Mary Marchmont releva sur son amant ses grands yeux étonnés et sa petite main s'appuya avec plus de force sur le bras de son compagnon. « Rien de tout ce qui pourrait jamais vous arriver ne me fera vous aimer moins que maintenant, » dit-elle naïvement. « Je veux bien admettre que tout d'abord, je vous ai un peu aimé parce que vous étiez beau et tout différent des autres personnes que j'avais vues. Vous étiez si beau, savez-vous » ajouta-t-elle comme excuse. « Mais ce ne fut pas à cause de cela seulement que je vous ai aimé. Je vous ai aimé parce que papa m'a dit que vous aviez été bon, généreux et son ami véritable alors qu'il avait eu grand besoin d'un ami. Oui, vous fûtes son ami à la pension où votre cousin Martin Mostyn et les autres élèves se moquaient de lui et le tournaient en ridicule. Comment oublierai-je jamais cela, Edward? Comment pourrais-je vous aimer assez pour vous récompenser de votre bonté d'alors ?» Dans l'enthousiasme de son innocent dévouement, elle approcha son front jeune et pur, et le soldat y déposa un baiser. Les deux amants étaient côte à côte, moitié exposés à la clarté de la lune, moitié cachés dans l'obscurité. Olivia Marchmont vint dans l'embrasure de la fenêtre ouverte et s'y posa pour les épier. Elle revenait à la torture. Du fond de la salle de bal, elle avait vu les deux ombres glisser sous les rayons de la lune. Elle les avait vues, et elle avait continué ses adieux polis, ses formules d'hospitalité, pendant qu'un feu intérieur consumait son cœur. Elle revint pour épier et écouter et pour endurer l'angoisse qu'elle s'infligeait. Sa fatale passion la rendait aussi folle qu'une stupide créature qui serait allée d'elle-même à la roue pour s'y faire rompre les membres et qui aurait demandé la répétition du supplice. Elle se tint droite et roide à la fenêtre ovale, et elle se cacha, comme elle s'était cachée sur le bord de la rivière, pour écouter le babillage des amants, pendant qu'ils montaient et descendaient la colonnade. Comme elle les méprisait dans l'orgueil de la supériorité de son intelligence, qui aurait pu comploter une révolution ou sauver un État la veille de sa perte. Comme sa lèvre se plissait avec dédain, à mesure que leur conversation fribole arrivait à ses oreilles. Ils parlaient comme Florizel et Perdita, comme Roméo et Juliette, comme Paul et Virginie. Ce qu'ils disaient n'avait pas grande portée sans doute, leurs paroles douces et harmonieuses n'avaient guère plus de sens que le roucoulement des colombes, mais elles étaient tendres, musicales et plus belles pour chacun des deux amants. Une tigresse affamée et furieuse d'avoir perdu ses petits ne se résignerait pas facilement, je pense, à écouter avec patience les doux propos d'un couple de ramiers bien d'accord. Olivia Marchmont écouta la tête en feu et sentit en elle la rage du crime. Qu'était-elle pour être patiente? Le monde entier était perdu pour elle. Elle avait 30 ans. Elle n'avait jamais conquis l'amour d'aucun être humain. Elle avait 30 ans, et tout ce que l'affection a de sublime était un mystère pour elle. Du fond des ténèbres, où elle était plongée, elle jetait un regard de désir vers cette région brillante que son pied maudit n'avait jamais foulée. Il voyait Mary Marchmont, la parcourant la main dans la main avec le seul homme qu'elle aurait aimé, la seule créature qui eût jamais eu la puissance d'éveiller dans son âme son instinct de femme. Elle attendit jusqu'à ce que l'horloge du quadrangle sonnât 3h15. La lune disparaissait et la faible lueur du jour naissant brillait à l'orient. « Je ne dois pas vous retenir plus longtemps, Polly, » dit le capitaine Arundel, s'arrêtant auprès de la fenêtre. « Il commence à faire frais, ma chère enfant, et il est grandement temps que la châtelaine de Marchmont rentre dans son berceau de pierre. Bonne nuit, et que Dieu vous bénisse, Polly. Je reste dans le quadrangle pour y fumer un cigare avant de monter chez moi. Votre belle-mère ne doit plus savoir ce que vous êtes devenue, Mary, et nous aurons à subir demain un sermon sur les convenances. Ainsi, bonne nuit une fois encore. » Il baisa le beau front de Mary au-dessus de la couronne de perles, la regarda franchir le seuil de la fenêtre étroite, et revint dans le quadrangle tenant en main son porte-cigare. Olivia Marchmont était à quelques pas de la fenêtre quand sa belle-fille entra, et Mary s'arrêta malgré elle, terrifiée par l'aspect cruel du visage qui la regardait d'un air de menace. Elle était effrayée par quelque chose qu'elle n'avait jamais vu sur cette physionomie, l'horreur ténébreuse qui envahit les âmes perdues. « Maman !» s'écria la jeune fille, joignant les mains d'épouvante. « Maman, pourquoi me regardez-vous ainsi? Pourquoi avez-vous changé à mon égard depuis peu? Je ne puis vous dire combien j'ai été malheureuse. Maman, qu'ai-je fait qui vous a offensée ?» Olivia Marchmont saisit les mains tremblantes levées vers elle en signe de supplication et les retint dans les siennes en les serrant comme dans un étau. Elle demeura ainsi, étreignant sa belle-fille et fixant ses regards sur elle. Deux jets de lumière livide s'échappaient de ses yeux gris dilatés, Deux marques rougeâtres enflammaient ses joues creuses. « Ce que vous avez fait !» s'écria-t-elle. « Croyez-vous que j'ai travaillé pour rien, en m'efforçant d'accomplir la tâche que m'a imposée mon mari ? Me suis-je donc si peu occupée de vous, que je dois me taire maintenant que je vois ce que vous êtes ? Me croyez-vous aveugle, sourde ou imbécile, que vous osez me défier et m'outrager par votre conduite, jour par jour, heure par heure ? Maman, maman, que voulez-vous dire ? Dieu sait avec quelle rigidité de principe je vous ai élevé, avec quel soin je vous ai tenu à l'écart de toute société et garanti de toute influence, de peur qu'il ne vous arrive un malheur. J'ai fait mon devoir, et je me lave les mains sur tout ce qui vous concerne. La tâche avilissante, que vous a léguée votre misérable mère, se révèle en vous dans chacune de vos actions. Vous courez après mon cousin Edward Arundel, et vous montrez votre admiration pour sa personne à lui et à tous ceux qui vous connaissent. Vous vous jetez dans ses bras. Vous vous offrez à lui avec votre fortune, et vous rusez avec moi pour essayer de cacher votre secret à la protectrice, à la tutrice qu'a désigné votre père, que vous prétendez avoir aimé si tendrement. » Olivia Marchmont tenait toujours les poignets de la jeune fille dans ses doigts de fer. L'orpheline la regardait les yeux tout grands ouverts et les lèvres tremblantes et écartées. Elle commençait à croire que la veuve était devenue folle. « Je rougis pour vous, j'ai honte de vous, » ajouta Olivia. Il semblait que les paroles lui échappaient par torrents presque malgré elle. Il n'y a pas de campagnard dans Kimberling, il n'y a pas de Mary Dawn dans Marchmont qui se serait conduite comme vous l'avez fait. Je vous ai épié, Mary Marchmont, ne l'oubliez pas, je sais tout. Je suis au courant de vos promenades sur le bord de l'eau, je vous ai entendu, oui, j'en prends le ciel à témoin, je vous ai entendu offrir votre main à mon cousin. » Mary se releva avec un geste d'indignation, et sur sa figure pâle parut subitement une vive rougeur qui s'effaça de même. Sa nature obéissante se révoltait contre l'horrible tyrannie de sa belle-mère. La dignité de l'innocence réclamait ses droits et protestait contre les honteux reproches d'Olivia. « Si je me suis offerte à Edward Arundel, maman, dit-elle, c'est parce que nous nous aimons tendrement et que j'ai la ferme conviction que papa désirerait me voir épouser son amie. »« Parce que nous nous aimons tendrement, » répéta Olivia d'un ton de mépris. « Répondez-vous donc du cœur du capitaine Arundel aussi bien que du vôtre ? Il faut que vous ayez bien bonne opinion de vous, Miss Marchmont, pour vous aventurer ainsi. »« Bon !» s'écria-t-elle tout à coup avec un mouvement de tête dédaigneux. « Croyez-vous donc que votre pauvre figure ait fait la conquête d'Edward Arundel ? Croyez-vous qu'il n'ait pas vu des femmes à ses pieds dans l'Inde, des femmes qui valaient 50 fois mieux que vous au moral et au physique ? Êtes-vous assez niaise pour penser que cet homme veuille de vous autre chose que votre fortune ? Savez-vous les vilaines choses qu'on peut faire, les mensonges qu'on peut dire, l'ignoble et coupable comédie qu'on peut jouer pour l'amour de 11 000 livres de rente ? Et vous vous imaginez qu'il vous aime ? Enfant, dupe, imbécile, êtes-vous assez faible d'esprit pour vous laisser tromper par les jolies flatteries pastorales d'un chercheur de fortune ? Êtes-vous assez faible pour vous laisser duper par un homme du monde, fatigué, blasé sans doute par les plaisirs, endetté peut-être, ayant un besoin pressant d'argent et venant ici pour essayer de refaire sa fortune par un mariage avec une héritière à moitié idiote ? Olivia Marchmont lâcha les mains de la jeune fille qui semblait avoir été clouée sur place comme une pâle statue de l'horreur et du désespoir. La volonté de faire de la femme forte et résolue écrasa la simple confiance de la jeune fille ignorante. Jusqu'en ce moment, Mary Marchmont avait cru en Edward Arundel aussi complètement qu'en son père mort. Mais maintenant, pour la première fois, la sombre région du doute s'ouvrait devant elle, et les fondations du monde chancelaient sous ses pieds. Edward Arundel, un chercheur de fortune ? Cette femme, à qui il avait obéi pendant 5 mortelles années, et qui avait acquis sur elle l'empire qu'une nature déterminée et vigoureuse exerce toujours sur un caractère trop impressionnable, lui disait qu'elle avait été trompée. Cette femme se moquait amèrement de sa crédulité. Cette femme, qui ne pouvait avoir aucun motif possible pour la torturer et qui avait la réputation de ne pas agir à la légère, lui disait aussi clairement que des mots cruels peuvent exprimer une cruelle vérité, que ce n'était pas à l'aide de ses charmes qu'elle avait conquis l'affection d'Edward Arundel. Tous les beaux rêves d'avenir qu'elle avait caressés s'envolèrent loin d'elle. Elle ne s'était jamais demandé si elle méritait l'amour de celui qu'elle aimait. Elle l'avait accepté comme elle acceptait le soleil, la clarté des étoiles, comme quelque chose de beau et d'incompréhensible, que lui envoyait la main bienfaisante de Dieu sans que ce mérite y fût pour rien. Mais dès que l'édifice de son bonheur se fut écroulé, le charme fatal exercé sur la nature faible de la jeune fille par les paroles violentes d'Olivia évoqua le doute. Pourquoi serait-elle aimée de lui? Pourquoi la préférait-il à toute autre femme du monde? Forcez n'importe quelle femme à se poser cette question et vous faites naître en elle un millier de soupçons jaloux sur son amant. Cet amant fut-il le plus fidèle et le plus noble de tout l'univers? Olivia Marchmont était à quelques pas de sa belle-fille et la regardait pendant que le doute chassait toute joie de son cœur et que le désespoir s'emparait d'elle. La veuve s'attendait à ce que l'amour-propre de la jeune fille se révolterait et qu'elle accuserait de mensonge celle qui oserait nier la sincérité de son amant. Mais il n'en fut pas ainsi. Quand Mary parla de nouveau, ce fut à voix basse et avec autant de soumission qu'elle en avait montré deux ou trois fois auparavant en se tenant debout devant sa belle-mère pour lui réciter des leçons difficiles. « Je suppose que vous avez raison, maman, » dit-elle d'un ton distrait, en regardant non pas sa belle-mère, mais le vide devant elle, comme si ses yeux secs étaient attirés par la vision de ses espérances détruites et amoncelées en un tas de ruines sur le seuil de l'avenir. « Je suppose que vous avez raison, maman. J'étais folle de croire qu'Edward, que le capitaine Arundel, pourrait songer à moi pour moi-même. Mais s'il a besoin de ma fortune, je souhaiterais qu'elle fût à lui. » L'argent ne me sera jamais d'aucune utilité à moi, maman. Et il a été si bon pour papa quand nous étions pauvres, il a été si bon. Je ne croirai pas un mot de ce qu'on dira contre lui. Mais je ne m'attendrai pas à ce qu'il m'aime. Je n'aurais pas dû lui offrir d'être sa femme. J'aurais dû lui offrir seulement ma fortune. Elle entendit le pas de son amant, qui résonnait dans le quadrangle au dehors au milieu du calme de la nuit, et ce bruit la fit frissonner. Il y avait à peine un quart d'heure qu'elle s'était promenée avec lui sous cette colonnade, où il errait tout seul, alors et... Même dans la confusion de ses douloureuses pensées, Mary Marchmont ne put s'empêcher de trouver étrange cette éclipse soudaine à son bonheur à venir. « Bonne nuit, maman, » dit-elle au bout d'un instant d'un ton fatigué. Elle ne regarda pas sa belle-mère, qui s'était détournée d'elle, et s'était approchée de la fenêtre ouverte. Elle sortit sans bruit de la salle, traversa le vestibule et monta le grand escalier qui menait à sa chambre solitaire. Toute héritière qu'elle était, elle n'avait pas de femme de chambre à elle. Il lui était permis d'appeler la femme de chambre d'Olivia chaque fois qu'elle en avait besoin, mais elle conservait les habitudes de sa vie d'autrefois et ne dérangeait que rarement l'Abigail, la figure roide et déjà âgée de Mrs. Marchmont. Olivia continua à regarder dans le quadrangle. Il faisait grand jour. Le chant des coqs retentissait au loin, et une alouette chantait quelque part dans le ciel bleu au-dessus de Marchmont Towers. Les guirlandes fanées de la salle de bal perdaient tout leur éclat vu au soleil levant. Les lumières n'étaient pas éteintes, car les domestiques attendaient pour entrer dans la salle que Mrs. Marchmont se fit retirer. Edward Arundel se promenait dans le cloître en fumant un second cigare. Il s'arrêta quelques minutes après en voyant sa cousine à la fenêtre. « Comment, Livy ? » s'écria-t-il. « Vous n'êtes pas encore allé vous coucher ?» « Non, j'y vais à l'instant. Mary est chez elle, j'espère ?»« Oui, elle est montée. Bonne nuit. »« Bonjour, ma chère Mrs. Marchmont, » répondit le jeune homme en riant. « Si les perdreaux étaient maillés, j'irais à la chasse par cette charmante matinée. Au lieu de me coucher ignominieusement comme un débauché à bout de ses forces, qui a bu trop de hock pétillant. J'aime mieux le vin sec, entre parenthèses, le Johannisberg, celui que le prédécesseur du pauvre John fit venir des bords du Rhin. » Mais comme il n'y a pas moyen de faire autrement, j'irai me mettre au lit par ce soleil radieux. Si j'étais à Calcutta, je mettrais en ce moment le pied dans l'étrier pour un temps de galop sur le terrain des courses. Ici, c'est autre chose. Je n'ai qu'à aller me coucher et attendre humblement l'heure de votre déjeuner. On met le foin à meule là-bas dans les prairies, derrière le parc. Ne sentez-vous pas l'odeur qui arrive jusqu'à nous ? Olivia haussa les épaules avec impatience. Grand Dieu ! Comme le bavardage de cet homme lui semblait oiseux et frivole. Elle plongeait son âme dans un abîme de péché et de ruine à cause de lui, et elle le haïssait et s'indignait contre lui parce qu'il était si peu digne du sacrifice. « Bonjour, » dit-elle brusquement, « je suis exténuée de fatigue. » Elle s'éloigna et le laissa seul. 5 minutes après, il monta près le grand escalier en chaîne en sifflant un air de Fra Diavolo. il était du nombre de ces heureux mortels pour qui la vie semble un long jour de fête. Quoique cadet de famille, il n'avait jamais su ce que c'était que les dettes et les embarras dans lesquels s'enfoncent jusqu'au cou les plus jeunes membres des familles riches, et dont ils sortent considérablement appauvris au physique et au moral, pour mener ensuite la vie pleine d'amertume et de souffrance qui est réservée à l'aristocratie sans argent. Brave, honorable et d'un esprit simple, Edward Arundel s'était lancé dans la bataille de la vie comme un bon soldat et avait porté avec lui un bouclier impénétrable là où la mêlée était la plus épaisse et la victoire difficile à remporter. Son naturel gai lui conquit des amis et ses qualités solides les lui firent conserver. Les jeunes gens avaient foi en lui et le respectaient, et les vieillards, dont les cheveux avaient grisonné au service de leur patrie, parlaient favorablement de lui. Sa belle tête figurait agréablement à toutes les fêtes. Sa voix cordiale et son rire franc plaisaient autant dans un dîner que la musique de la galerie au fond de la salle du banquet. Il avait cette fraîcheur d'esprit qui est le don particulier de quelque nature, et il n'avait jamais souffert que par sympathie pour les malheurs d'autrui. Olivia Marchmont entendit la voix de ténor de son gai cousin quand il passa devant sa chambre. « Comme il est heureux, se dit-elle, son bonheur même est une insulte pour moi. » La veuve se promena dans sa chambre au soleil du matin, en songeant à ce qu'elle avait dit dans la salle de bal et au désespoir muet de sa belle-fille. Qu'avait-elle fait? Jusqu'où s'étendait le mal qu'elle avait causé? Olivia Marchmont s'adressa à ces deux questions. La vieille habitude de faire son examen de conscience ne l'avait pas encore abandonnée complètement. Elle péchait, et elle essayait ensuite de justifier son péché. Pourquoi l'aimerait-il? Songeait-elle. Qu'y a-t-il dans cette figure pâle et sans expression qui puisse mériter l'amour d'un homme qui me méprise? Elle s'arrêta devant une glace ovale et s'examina de la tête aux pieds en fronçant le sourcil à sa belle image et en se haïssant à cause de sa beauté dédaignée. Ses épaules, blanches comme le marbre, ressortaient à merveille par leur contraste avec le rouge sombre de sa robe de velours. Elle avait arraché la parure en diamant de sa tête et ses longs cheveux noirs retombait sur son sein en tresses épaisses et lisses. Je suis plus belle qu'elle, plus instruite qu'elle, et j'aime Edward 10 000 fois plus qu'elle, pensa Olivia Marchmont en tournant le dos à la glace. Est-il donc probable qu'il veuille d'elle autre chose que sa fortune? Toute autre femme au monde aurait raisonné comme j'ai raisonné ce soir. Toute autre femme aurait cru faire son devoir en mettant cette niaise jeune fille en garde contre sa folie. Que sais-je sur le compte d'Edward Arundel qui puisse me donner lieu de le supposer meilleur et plus noble que d'autres hommes? Et combien n'y en a-t-il pas de ses pareils qui se vendraient pour la fortune d'une femme? Peut-être qu'en somme, il résultera quelque bien de ma folie. Il se peut que j'aie sauvé ma belle-fille d'une vie de misère en parlant comme j'ai parlé ce soir. Les démons, toujours aux aguets pour s'emparer de cette femme qui, par sa sombre fierté, devenait en quelque sorte leur semblable, durent rire d'elle pendant qu'elle raisonnait ainsi en elle-même. Épuisée par l'agitation de cette longue nuit, elle se coucha enfin pour dormir et faire d'horribles rêves. Les domestiques, à l'exception d'un seul qui se levait de bonne heure pour ouvrir la grande maison, restèrent au lit très longtemps après cette fête qui les avait dérangés de leurs habitudes. Edward Arundel dormit aussi profondément que n'importe qui dans la vaste demeure, et ce fut ainsi que personne ne vit une jeune fille tremblante sortir de chez elle, descendre doucement le grand escalier éclairé par le soleil et franchir le seuil de la grande porte du vestibule. Personne ne vit Mary Marchmont s'éloigner sans bruit de cette lugubre maison de Lincolnshire où elle avait goûté si peu de véritable bonheur. Personne ne consola la jeune fille qu'accablait la tristesse et le désespoir. Elle s'enfuit de grand matin, comme un prisonnier qui s'évade de la demeure qui lui appartenait de par la loi. Et la main de la femme que John Marchmont avait choisie pour être l'amie et la conseillère de son enfant fut la main qui bannit l'orpheline de l'asile où elle avait vécu. La voix de celle en qui le faible père avait eu plus de confiance qu'en la bonté de Dieu, tant il s'était laissé aveugler par son jugement, fut la voix qui prononça les paroles mensongères dont chaque syllabe avait été un nouveau coup de poignard au cœur lacéré de l'orpheline. Ce fut son père. Son père, qu'en la plaçant sous la domination de cette femme, lui imposa la terrible douleur pendant laquelle elle partit pour affronter un monde inconnu, sans même savoir où la mènerait son désespoir.